Section 79 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Monsieur Joseph Fortuna, par Frédéric Febvre, de la Comédie Française, chapitre 2. À la gare du Raincy, il acheta un journal, craignant que la presse ne commentât déjà sa disparition. Tout à coup, il poussa un cri intérieur, comme seul il en savait pousser. Changement de ministère. Tout l'ancien personnel était destitué. Son état d'absorption était tel que, pour la première fois, il lui arriva deux choses inconnues. À Paris, il oublia son poisson et prit une voiture. Sa concierge, en le voyant descendre d'un véhicule, lui tendit avec stupéfaction une lettre scellée d'un grand cachet rouge. C'était sa lettre de révocation. Il prit la lettre avec dignité et monta chez lui. Madame Ledoux l'attendait. En le voyant, elle s'élança pour lui demander avec une émotion contenue les motifs de ce changement dans ses habitudes. Mais Monsieur Fortuna, d'un geste plein de noblesse qu'il tenait en réserve depuis les premières marches de son escalier, lui dit froidement « J'ai besoin de solitude, de repos. 3 heures après le lever du soleil, soyez en mon huis. » Madame Ledoux, habituée à ce langage, ne fit aucune objection. Elle sortit, comptant naïvement sur la concierge pour avoir l'explication de ce phénomène. Une fois chez lui, M. Fortuna réfléchit longuement sur la fragilité des choses humaines, puis, se souvenant qu'il y avait dans son bureau quelques menus objets lui appartenant, que, de plus, il lui était dû un demi-mois d'appointement, il se donna le luxe d'un sourire amer, en murmurant « J'irai demain ». Le lendemain, en effet, il alla gravement à son bureau, reprit ce qui lui appartenait, puis, laissant les clés sur son pupitre, il se présenta pour émarger. Comme il allait se retirer, il vit les garçons de bureau qui se tenaient sur son passage, l'air ému, les yeux humides, les adieux de Fontainebleau en chambre. Monsieur Fortuna les regarda, mit la main à sa poche, tous s'approchèrent alors avec un ensemble touchant les mains tendues. Monsieur Fortuna les leur prit et, d'une voix forte, laissa échapper ces mots. Immortel principe, vous n'êtes pas de vains mots. Puis sortit, non sans regret peut-être, mais non sans fierté. Fin de la section 79, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en décembre 2024.